Ouais, le D-O-N suivi du T-C-H-A. À 10 ans, on arrachait les ailes des petites mouches. À 15, pour un regard travers, on casse ta bouche. À force de parler de merde, j'en ai la chiasse. J'évacue par mes couplets, ça part pas quand je tire la chasse. Ça pue ici et moi, je supporte ce que mes pets. J'ai une vie en dents de scie que je trouve moche dans mon reflet. Je me sens solide, mais pas assez contredit. Tant que pour y arriver, j'ai déjà pensé tricher comme virant. Pour que tu coules, on peut vouloir couper tes nageoires. Car les gars sortent jamais sans lame de rasoir. Hey Dex, on règle plus les comptes à la boxe. Les gosses ont des crosses et des grosses lames en inox. Ils ont perdu l'axe, espère fort le thorax. Au pays du sax, ils commettent des meurtres à l'anthrax. L'enfer est après la mort, ouais, c'est ce que je croyais aussi. C'est notre territoire. Chacun défend sa région. Jusqu'à la mort, je reste soldat de ma légion. C'est notre territoire. Mais on est tous étrangers. Et dans les rues, les coups de canon viennent déranger. C'est notre territoire. Chacun défend sa région. Jusqu'à la mort, je reste soldat de ma légion. C'est notre territoire. Mais on est tous étrangers. Et dans les rues, les coups de canon viennent déranger. On est serré par une ceinture de barbelés. Mon crâne saigne car la vie m'a martelé. Et si un beau jour il m'arrive d'être HS, je jette mon HF pour du bise et une classe S. Ici on bouffe le pissenlit par les racines. La peau black assassine, le toucher de la crosse fascine. Parmi les brutes, c'est les plus strong qui croquent. Les drums braquent des guns pour des doses de crack dans les blocs. Pour un tas de sous, on peut tuer comme un tutsi. Pour s'en sortir là-dessous, vaut mieux froncer des sourcils. Ici on n'hésite jamais à tendre un piège. Et si on le pouvait, on te mettrait des explosifs sous le siège. Haineux, courageux, et surtout pas lâche. Dans le KGB, on a la hache et Nikov Kalash. J'aime pas cet endroit où les cartouches sont somnifères. Où le sommeil est dans une tombe entourée de conifères. C'est notre territoire. Chacun défend sa région. Jusqu'à la mort, je reste soldat de ma légion. C'est notre territoire. Mais on est tous étrangers. Et dans les rues, les coups de canon viennent déranger. C'est notre territoire. Chacun défend sa région. Jusqu'à la mort, je reste soldat de ma légion. C'est notre territoire. Mais on est tous étrangers. Et dans les rues, les coups de canon viennent déranger. Dans l'envers de la déco, de ce monde plus dynamique, tout ne tient qu'un fil et quelques bâtons de dynamite. On se bat pour un bout de shit, un bout de pain, un bout de terre comme des loups. Et même les hyènes sont plus solidaires, pas de morale. M'en bats les couilles, chacun sa merde, chacun son chemin. Clic, clic et chacun son gun. Y'a tellement de haine qu'on se battra encore dans l'au-delà. Et en haut, si on m'écoute, faut faire quelque chose là. Parce qu'ici on rêve d'être un gangster et pas un ange. Au fait, c'est sur terre que l'enfer et le paradis se mélangent. On aime les cocktails, mais le préféré c'est le molotov. Dans un système où le crime vient tacher notre étoffe. Cœur grigé, le sang rouge gâche ma vue rouge. J'peux rien faire à part graver l'écorce de mes proses. Ouais, c'était le D.O.N. pour Master Record. Master Record, on laissera des traces sur le goudron. C'est notre territoire. Chacun défend sa région. Jusqu'à la mort, j'reste soldat de ma légion. C'est notre territoire. Mais on est tous étrangers. Et dans les rues, les coups de canon viennent déranger. C'est notre territoire. Chacun défend sa région. Jusqu'à la mort, je reste soldat de ma légion. C'est notre territoire. Mais on est tous étrangers. Et dans les rues, les coups de canon viennent déranger. C'est notre territoire. Chacun défend sa région. Jusqu'à la mort, je reste soldat de ma légion. C'est notre territoire. Mais on est tous étrangers. Et dans les rues, les coups de canon viennent déranger. C'est notre territoire. Chacun défend sa région. Jusqu'à la mort, je reste soldat de ma légion. C'est notre territoire. Mais on est tous étrangers. Et dans les rues, les coups de canon viennent déranger. C'est notre territoire. C'est notre territoire. C'est notre territoire.